LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Un jour, j'ai demandé à mon compagnon de 20 ans s'il m'aimait. Et sa réponse n'a pas franchement été celle que j'attendais. Il m'a répondu « Accrochez-vous bien ». Pas tous les jours. J'avoue que sa réponse m'a un peu surprise et attristée surtout, faut bien l'avouer. Pas tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire « pas tous les jours » Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'aimer par intermittence? Qu'on est tous les deux des intermittents du spectacle et de l'amour? Et après 20 années passées ensemble, est-ce que c'est encore de l'amour? Vivre cette vie! Et moi, tu crois que je peux vivre cette vie? Que j'éprouve des putains de valeurs à vivre cette vie? J'ai repensé à cette scène du film Le Prestige de Christopher Nolan, où l'épouse d'un magicien torturé joué par le beau Christian Bale lui demande désespérée s'il l'aime. Et lui répond, not today. Je veux que tu deviennes honnête avec moi. Est-ce que tu m'aimes? Pas aujourd'hui. Non. Bon, et excusez-moi de spoiler le film, mais après cette déclaration tiédasse, la nana finit par se pendre, et à la fin on se rend compte qu'il avait un frère jumeau qui vivait un jour sur deux avec elle, et que c'est pour ça qu'il aimait pas tous les jours. Bon, ce serait vraiment compliqué de vous résumer le film, mais ce que je sais, c'est que moi, mon compagnon, il n'a pas de frère jumeau, ça j'en suis sûre. S'il avait voulu me coincer, au lieu de son « pas tous les jours », il m'aurait répondu. Je sais pas, tout dépend ce que t'entends par amour. C'est quoi l'amour pour toi? Et là, il m'aurait bien mouché. Parce qu'au fond, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 5, Entre nous, c'était chimique. Moi, ma théorie, et je ne sais pas si elle est bonne, c'est que l'amour, c'est lié au capitalisme. Tancred Ramonet. Mais c'est vraiment un truc idéologique que je dis. Pour moi, l'amour, ça apparaît après l'amour courtois et c'est le début du capitalisme. Et je trouve qu'il y a une question qui se pose de ça date de quand l'amour? Est-ce qu'on peut faire une sorte d'histoire de l'amour ou une préhistoire de l'amour? Tu crois pas qu'on pouvait s'aimer, je sais pas, au temps des cavernes? Eh ben, je suis pas sûr. Est-ce que ce qui est le propre de Sapiens Sapiens, finalement, c'est pas quand même de s'aimer? Si ça se trouve, l'amour, ça... Ou le couple, tu vois, on dit souvent dans la nature, les animaux, ils sont pas fidèles, etc. Mais tu crois pas que, si ça se trouve, on est programmé pour être monogame, je sais pas, comme les orques ou comme les pingouins. Tu crois pas que le couple, il existait finalement à l'état quasi naturel avant la sédentarisation? Ben, on voit ça dans la guerre du feu. Dans la guerre du feu, c'est l'invention du couple, c'est l'invention de l'amour, en fait. C'est l'homme devient homme quand il fait... L'amour, d'ailleurs, il arrête de faire l'amour à quatre pattes et il fait l'amour en se mettant en bonne vieille position du missionnaire qui est inventé à ce moment-là, quand il découvre le rire et quand il découvre le sentiment amoureux et l'exclusivité. Tu sais, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller voir un proto-historien et lui demander s'il n'y a pas des vestiges de l'amour. On sait que tu vois qu'il y a des traces de sexualité, genre dans les peintures rupestres ou dans les Vénus et tout ça. Mais des traces d'amour, je ne sais pas en fait. À partir de quand ça remonte? Est-ce qu'on a des tombes avec des, je ne sais pas, des couples enlacés ou... Ce serait intéressant d'aller chercher du côté des archéos, des paléos. Il faudrait aller creuser ça. Alors, est-ce que l'amour, ça commence avec Sapiens Sapiens ou est-ce qu'on trouve d'autres traces, peut-être d'autres formes d'amour avant ou... Si on définit l'amour comme ce surplus psychique et culturel en sus de la reproduction... Jean-Paul Demoule, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1. Il faut penser que cette forme d'attachement particulier, mais qu'on voit aussi chez les primates au moins, et probablement chez d'autres mammifères, accompagne la progression de la complexité psychique. Donc je pense que c'est un processus très progressif qui vient de loin et qui n'a fait que s'amplifier, sachant que Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, on est attestés depuis à peu près 300 000 ans, mais avec une complexité croissante, puisque c'est seulement depuis 40 000 ans qu'on s'est mis à faire des peintures sur les grottes, à faire des petites figurines, etc. Mais que depuis 40 000 ans, il n'y a probablement pas de grande différence. Donc les formes d'amour qu'on peut connaître de nos jours ne devaient pas être très différentes il y a 40 000 ans. Qu'est-ce qu'on a retrouvé comme tombe ou comme vestige, justement, de ce début d'amour, en tout cas, de ce début, peut-être, d'amour entre mâle et femelle, on va dire, homme, futur homme et future femme? Pour le paléolithique, je vois pas vraiment, alors que c'est après, au cours du néolithique, on peut avoir des enterrements simultanés homme-femme. Je pense à ce qu'on a trouvé par exemple en France, à Thonon-les-Bains, un homme et une femme dans la même tombe. On est vers moins 3500 à peu près avant notre ère. Cela dit, c'est pas toujours une preuve de grand amour, parce que on a une autre tombe assez connue dans le nord de l'Italie, qu'on appelle souvent la tombe de la veuve. On est toujours aux alentours de moins 3500, où on a un homme enterré au milieu d'une grande fosse ronde, enterré avec des objets, etc. Et à côté, il y a le squelette replié d'une femme qui a le crâne enfoncé. Donc là, il s'agit d'un sacrifice. Pour la période néolithique, je pense à une petite maquette de maison, c'est-à-dire que c'est un objet en terre cuite qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de côté, qui représente la base d'une habitation avec la porte, un four, des objets. Et il y a six figurines humaines. Il y en a deux grandes, deux moyennes et deux petites, et à chaque fois masculines, féminines. Dans le nord de la Grèce, donc à Zarco, en Thessalie, on est vers moins 5000. Et donc là, on peut penser assez légitimement à trois couples, grands-parents, parents et enfants, ce qui irait effectivement dans le sens, dans ce cas-là, de la monogamie. Finalement, Sapiens, il est plutôt monogame. On est programmé plutôt pour être monogame à l'origine, même si ça s'inscrit dans une stratégie de survie et que c'est pas forcément enrobé de quelque chose de romantique. Sur la monogamie naturelle, ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement, s'il y a amour, ça crée un attachement qui peut être extrêmement durable et qui se nourrit que, à ma connaissance, que dans la monogamie, même si on parle beaucoup depuis quelque temps du polyamour, etc. Sans vouloir parler de mon expérience personnelle, mais dans ma génération des 68ards et baby-boomers, on a eu une période dans les années 70 où on vivait en communauté. Donc effectivement, on était en théorie dans le polyamour, mais on voyait bien que pour que le groupe tienne en tant que collectivité, on ne pouvait pas avoir de relations trop passionnelles et trop privilégiées de elle, parce que sinon, le groupe risquait d'éclater, de perdre de son sens. On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien, c'est vrai. J'aime son sourire, j'aime ses cheveux, et j'aime me sentir bien avec elle. C'est comme si tout était possible. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et il se trouve que je t'aime. Quoi ? Je t'aime. Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça ? Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi. C'est quoi pour toi, Tancrède, l'amour ? Est-ce qu'on s'aime ? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à vraiment cerner dans notre relation depuis des années. C'est on s'aime ou on s'aime pas, en fait ? Mais on s'aime, Ovidie. Enfin, moi, je t'aime. Mais on s'aime pas d'un amour amoureux, puis on n'est pas en couple. Donc, qu'est-ce qui nous distingue, nous, par exemple, d'un couple amoureux ? Déjà, on fait pas l'amour. Mais il y a plein de gens qui font pas l'amour et qui sont en couple et qui s'aiment et qui sont mariés. Mais ils s'aiment quand même. Ils s'aiment, oui. L'amour peut-être l'a changé. Parce qu'on dit que l'amour dure 3 ans. Peut-être c'est l'amour d'après les 3 ans qui fait que on fait chambre à part et qu'on se désire plus. Peut-être pendant les 3 premières années, on a un amour complet avec le désir, non ? Mais t'y crois, toi, cette histoire de l'amour dure 3 ans ? Parce qu'en fait, ceux qui disent que l'amour dure 3 ans, c'est souvent parce qu'on nous dit qu'il y a une raison évolutionniste à ça. Mais t'y crois, toi, à l'amour qui dure 3 ans ? Ouais, j'avais vu ça, cette idée que peut-être la durée de l'amour qui était de 3 ans était liée à l'éducation de l'enfant. On s'aime, le temps de procréer et puis d'élever pendant les 2 premières années l'enfant. Puis après, il n'y a plus besoin de s'aimer ou d'être en tout cas dans un désir unique. Ouais, faut voir. Il y a une neurobio qui défend cette idée-là, c'est Lucie Vincent. Je pense que ce serait intéressant d'aller lui poser la question. D'un point de vue neurobiologique, donc l'amour est un comportement spécifique qui a été mis en place par l'évolution pour assurer la survie de l'espèce. Lucie Vincent, neurobiologiste, autrice de « Comment devient-on amoureux ?» Donc c'est un comportement social très particulier, pendant lequel les deux partenaires sexuels voient des modifications importantes dans leur cerveau. dans leur façon de se comporter, dans leur attitude l'un envers l'autre et dans leur attitude ensemble contre le monde extérieur. On dit par exemple que l'amour est aveugle parce que on ne trouve pas de défaut chez son partenaire. Et ça, c'est un phénomène neurobiologique. On devient addict de son partenaire. On a une réelle souffrance quand il ou elle est absent. Et ça aussi, c'est un phénomène lié au processus qui ont été mis en place par l'évolution pour assurer vraiment de manière très ferme que les deux partenaires sexuels restent ensemble le temps nécessaire pour la reproduction et un début d'autonomie du petit être humain. Qui serait donc de 3 ans, vraiment? Est-ce que c'est vrai quand on dit que l'amour dure 3 ans? Les chercheurs disent que l'amour passionnel entre deux partenaires sexuels dure entre 18 et 36 mois. Donc l'amour, ça s'inscrit tout simplement dans une stratégie reproductive. C'est un peu triste finalement. Vous dites tout simplement et vous dites que c'est triste. Moi je trouve que c'est pas du tout simple. C'est un comportement très complexe avec des effets bouleversants. Et de savoir que ça fait partie d'une stratégie de vie, pour moi, ça le rehausse, ça devient quelque chose d'encore plus glorieux, merveilleux et étonnant et qui mérite toute notre attention. Comment est-ce qu'on explique alors, par exemple, l'homosexualité? On l'explique sans aucun problème, comme on explique pourquoi les femmes qui prennent la pilule tombent amoureuses aussi. Ces comportements, ces stratégies de reproduction ont été mis en place dans le cerveau. Ce sont des stratégies comme la stratégie de chercher à manger quand on a faim et à boire quand on a soif. Ce sont des stratégies comportementales innées. Et qu'est-ce qui se passe alors au bout de 18 à 36 mois? Est-ce qu'il y a une chute hormonale de part et d'autre? On ne peut pas dire définitivement ce qui se passe. On peut tirer des conclusions de ce qu'on a fait comme recherche, mais c'est difficile de faire des recherches sur un cerveau humain en particulier. Mais on pense qu'une partie du cerveau qui est particulièrement impliquée dans le comportement amoureux est le centre de récompense. C'est la partie du cerveau qui s'allume quand on mange du sucre, quand on boit de l'alcool, quand on prend de la drogue et quand on devient addict. Et les processus qu'on a pu démontrer indiquent que c'est les mêmes phénomènes d'addiction pour un partenaire que pour une substance de drogue. On sait que on devient de plus en plus tolérant aux drogues. Ça, c'est quelque chose de très connu. Il faut prendre des doses de plus en plus importantes pour avoir un effet euphorisant aussi important que à la première prise. Chez le partenaire amoureux aussi, il y a l'installation d'une tolérance qui doit, je pense, être programmée. Ça doit être le phénomène qui détermine la durée de l'amour, de cet amour fou que nous connaissons quand on est passionnément amoureux. Cette installation de la tolérance, c'est quelque chose qui se passe dans les neurones où les récepteurs sont de moins en moins liés avec tous les processus intracellulaires permettant d'avoir leurs effets. Alors si les récepteurs sont de moins en moins liés aux processus intracellulaires, petit à petit, la substance ou le partenaire va perdre de son effet. Et je pense que c'est pour ça que, au bout de quelque temps, le cerveau reprend son état de base, disons, où il ne voit plus son partenaire comme étant quelque chose de merveilleux et parfait, mais on commence à le voir comme n'importe qui d'autre. Alors, comment est-ce qu'on fait durer ça? Ouais, bonne question. On pense que l'acte sexuel est important pour rallumer les circuits d'attachement dans le cerveau. En termes de recherche, on parle d'attachement. Et donc, le type d'amour qu'on a entre deux partenaires sexuels, on pense que l'acte sexuel joue un rôle important pour l'entretenir. Est-ce que malgré tout, si on veut que le couple dure, on n'a pas intérêt, dans un premier temps, à se choisir sur des critères très objectifs, finalement? Bien sûr. Bien sûr, je pense que le pire ennemi du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour passionnel. Parce que on tombe amoureux sur des critères très biologiques. Par exemple, on peut choisir un partenaire qui n'est pas du tout fait pour nous, mais qui allume notre envie d'excitation, qui répond à un fantasme sexuel, qui répond à un fantasme de vie. Et ça peut enclencher le processus, mais il n'y a aucune garantie que cette personne-là aime les mêmes choses que nous. Donc il vaut mieux se choisir finalement, checker nos compatibilités sociologiques, avoir des centres d'intérêt communs, plutôt que se laisser emporter par moi, la chimie hormonale. Quoi. Je défie quiconque de tourner le dos à une histoire d'amour. C'est extrêmement captivant. Et on aura du mal à expliquer aux gens, mais non, ignorez ça, concentrez-vous plutôt sur ce questionnaire. Et donc, plutôt que de dire qu'il faut ignorer l'amour, je dirais, attendez avant de vous marier. Attendez 3 ans. Et puis, voyez où vous en êtes. Voyez si vous avez quand même cette base de compatibilité essentielle. Qu'elle était belle, ma maman Paline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante, sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements. Alors moi ça tue le peu d'idéalisme qui me restait, puisque l'idée que l'amour serait pas éternel quand même... Ça remet en cause presque tout un univers mental et culturel autour duquel on s'est créé. Mais tu sais que le discours de Lucie Vincent, il fait pas l'unanimité hein, au sein de la communauté des neurobio. Parce que justement, il y a un côté fataliste, puis il y a aussi ce côté évolutionniste. Il peut avoir des petites tentations idéologiques qui tendraient à justifier les inégalités déjà entre hommes et femmes, mais même entre humains tout court. Et... ils sont pas forcément tous d'accord. Par exemple, quelqu'un comme Catherine Vidal, qui elle travaille sur le cerveau, elle est absolument pas d'accord avec ça et elle part du principe que toute cette histoire de neurochimie ne peut en aucun cas justifier toutes ces théories sur l'amour. Mademoiselle Scott, je me demandais si Monsieur Tucker comprenait qu'il avait été un connard de première et qu'il s'agenouillait pour vous supplier de changer d'avis. Est-ce que vous pensez que vous changeriez d'avis? Oui, je pense que oui. C'est une excellente nouvelle. Anna, combien de temps comptez-vous rester en Grande-Bretagne? Toute la vie. Alors, il est légitime de se poser la question... qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux? Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur. Alors, pour répondre à cette question, il faut essayer d'avoir des indices déjà dans la recherche, recherche chez des animaux, et puis aussi des recherches qui peuvent être faites chez les humains. Et dans toutes ces questions, très souvent, on a tendance à parler d'abord du rôle des hormones, des effets des hormones sur le cerveau. Et ces thématiques sont en fait très prisées par les médias, les magazines féminins, les réseaux sociaux, où on vous dit « Ah, il existe une hormone qui s'appelle l'ocytocine, c'est l'hormone du coup de foudre, c'est l'hormone de la fidélité conjugale, c'est l'hormone du lien entre les femmes et les hommes ». Bon, elle est très célèbre, cette ocytocine. Il y a une autre hormone aussi incontournable, la testostérone, qui est l'hormone de la libido, de l'attraction sexuelle, qui, avec l'ocytocine, hein, c'est un couple indissociable qui expliquerait tous les mécanismes cérébraux liés aux sentiments amoureux. Alors, quand on regarde justement toute la réalité des recherches scientifiques faites sur ces questions-là, disons qu'on peut douter sérieusement d'un rôle majeur de ces hormones dans l'amour. Et certains prétendent que si, quand on se sépare, soi-disant, on fabriquerait de l'ocytocine après une rencontre pendant 3 ans, et après, on n'en fabriquerait plus, et c'est pour ça que les couples se sépareraient. Bon, tout ça reste totalement spéculatif, on peut le dire. Alors, bon, certains chercheurs ont trouvé une astuce. Ils se sont dit, eh bien, on va faire des sprays d'ocytocine. On va sniffer l'ocytocine en imaginant que le fait qu'on ait de l'ocytocine dans le nez, ça pourrait traverser la muqueuse nasale et arriver plus vite ou peut-être plus facilement dans la circulation cérébrale. Bon, personne n'a jamais démontré qu'un sniff d'ocytocine pouvait ensuite réellement avoir des effets dans le cerveau. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut dire qu'il n'y a pas de données scientifiques suffisamment rigoureuses qui permettent de dire que l'ocytocine est, chez les humains, l'hormone du lien affectif et l'hormone du coup de foudre ou je ne sais trop quoi. Est-ce qu'il reste quand même quelque chose de l'ordre du neurochimique ? Il nous reste quelque chose encore en nous à ce niveau-là ? Le moment où on tombe amoureux, la douleur du chagrin d'amour, est-ce que ça reste quand même une réalité ? Ou est-ce que vraiment on est juste dans une construction culturelle ? Les caractéristiques du cerveau de l'Homo sapiens lui permettent d'avoir une liberté de choix dans ses comportements. Cette liberté de choix, elle s'explique parce que notre cortex cérébral s'est énormément développé. Il contrôle toutes les autres régions du cerveau qui, elles, sont impliquées dans des comportements instinctifs et qui sont très sensibles aux hormones. C'est ce qu'on observe chez les animaux. Mais les animaux, ils n'ont pas un cortex cérébral comme le nôtre. Donc, ils ne vont pas pouvoir résister aux dictats biologiques des hormones dans, par exemple, les comportements associés à la sexualité et à la reproduction. Nous, les êtres humains, nous avons une dissociation complète entre sexualité et reproduction. Bon, par exemple, le taux des hormones dans le sang ou dans le cerveau n'a strictement rien à voir avec le moment des rencontres ni avec le choix des partenaires. On sait bien que les personnes homosexuelles, par exemple, n'ont absolument aucun problème hormonaux. Donc, la réalité de ce qu'on appelle l'attraction sexuelle, qui est un comportement instinctif, est complètement contrôlée par l'empreinte culturelle, l'empreinte sociale qui va faire que notre psychologie, notre vie intime, tout cela va contribuer à complètement influencer la réalité des relations amoureuses et des relations sexuelles. Donc, quand on parle d'instinct, ces instincts existent dans tout le règne animal. Et chez l'être humain, ces instincts sont contrôlés par le cortex cérébral et donc sont contrôlés par la culture. On prend l'exemple de la faim. Seul l'être humain est capable de dire « moi, pour des raisons politiques, je décide de faire la grève de la faim ». Et de la même façon, on peut dire que ce comportement très instinctif qui est aussi l'attraction sexuelle, au même titre que la faim, elle est complètement contrôlée par la culture. Les êtres humains peuvent dire, moi, dorénavant, je décide de ne plus avoir de relations sexuelles, les relations amoureuses, cela ne m'intéresse pas. Et en plus, cette liberté de choix, elle est fluctuante parce qu'elle peut varier tout au long de la vie, grâce à ce qu'on appelle cette fameuse plasticité cérébrale, qui fait que rien n'est jamais figé à tout jamais dans nos cerveaux, que nos cerveaux se réorganisent en permanence en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages. Et auparavant, certaines théories laissaient croire que dès le stade fœtal, les hormones vont imprégner le cerveau, en particulier la testostérone imprégnerait le cerveau des fœtus mâles de façon indélébile, ce qui ferait que plus tard, les hommes aient des comportements avec plus d'appétence sexuelle, avec plus d'agressivité, et que tout ça viendrait d'un marquage indélébile du cerveau du fœtus, eh bien, toutes ces théories qui datent d'il y a plus de 50 ans n'ont jamais depuis été validées. Caroline ! Caroline ! Vous êtes attendue quelque part ? Non, il faut que je parte, c'est tout. Je n'appelle pas ça partir, j'appelle ça courir. Ce que je ne comprends pas, c'est si vous courez vers quelque chose que vous voulez, ou pour échapper à quelque chose que vous avez peur de vouloir. J'ai déjà fait tant de choses que je n'aurais pas dû faire. Je ne veux pas les rendre encore pires. Mais non, je vous le promets. Il y a une chose que vous ne savez pas. Oh, mon Dieu, comment vous dire ça? Écoutez, la première fois que vous m'avez vue, j'étais... Vous étiez envoûtante. Et, par exemple, les critères qui vont faire qu'on a le coup de foudre pour telle ou telle personne, le coup de foudre, il est complètement construit psychologiquement, socialement, cognitivement. Ce n'est pas une décharge d'hormones qui va faire que notre attention se porte sur telle ou telle personne. C'est le résultat de tout un contexte lié à l'individu, aussi bien à sa vie intime qu'à la façon dont il s'inscrit dans la société. Donc le coup de foudre, c'est un mythe total, ça n'existe pas. Alors le coup de foudre, il existe. C'est un vécu individuel qu'on ne risque pas de nier. Mais le coup de foudre est-il lié à la production d'hormones dans le cerveau ou dans le corps? Eh bien là, désolé, les recherches scientifiques ne permettent pas de faire de relation de cause à effet entre l'action de telle ou telle hormone et le fait d'être attiré de façon immédiate par une autre personne. C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Entre nous, c'était chimique. Avec Catherine Vidal, Lucie Vincent et Jean-Paul Demoule. Avec la voix d'Alexandre Duren. Can you feel my beat? Can you feel the bass?